Activité 4A. Écoutez et soulignez à chaque fois que vous entendez le son « y » comme « fille ». 1. J'ai travaillé en Égypte pour une mission. 2. Cette expérience m'a aidé à perfectionner mon style. 3. J'ai trouvé un travail incroyable pour le mois de juillet. Il faut que je surveille des animaux dans un parc animalier. 4. Je te conseille d'être plus dynamique face à cet employeur. 5. Ma famille m'a donné 1 million de conseils sur la manière de m'habiller. 6. Il faut que j'aille voir une conseillère pour les détails sur le physique. 7. J'ai sillonné toute l'Europe pendant mon voyage.